Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 124. Du martyr. Que le martyr est un acte de vertu, et principalement un acte de la force, perfection de cet acte par la charité, du supplice nécessaire au martyr, de la cause du martyr. 1. Le martyr est-il un acte de vertu? La béatitude éternelle, qui n'est due qu'aux actes de vertu, est promise aux martyrs par cette parole, « Heureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. » Matthieu 5, 10. Une telle promesse suffit pour établir que le martyr est un acte de vertu. Il appartient à la vertu de nous maintenir fermes dans le bien de la raison, c'est-à-dire dans la vérité et dans la justice. Or le martyr consiste à ne pas s'en écarter, malgré les efforts de la persécution. Donc il est un acte de vertu. Note. On a objecté que tout acte de vertu est volontaire, et que le martyr ne l'est pas toujours. On a cité l'exemple des saints innocents. Les saints innocents obtinrent, par une pure grâce de Dieu, la gloire du martyr, que nous n'obtenons qu'avec le concours de notre volonté. Le sang répandu pour le Christ tient lieu du baptême, de même que les mérites du Sauveur, communiqués aux enfants par la grâce baptismale, les rendent dignes de la gloire éternelle. De même les mérites de son martyr ont acquis la palme glorieuse à ceux dont le sang fut répandu à la place du sien. Saint Augustin, s'adressant à ces jeunes martyrs, leur disait que « Celui-là doute de votre couronne en vous voyant souffrir pour le Christ, qui ne croit pas à l'efficacité du baptême du Christ dans les enfants. » Vous n'étiez pas en âge de croire au Christ qui devait souffrir, mais vous aviez une chair capable de souffrir pour le Christ. Fin de la note. 2. Le martyr est-il un acte de la force? Le martyr, où l'homme s'attache à la vertu d'une manière inébranlable, en face de la mort même, sans que le péril imminent qui le menace puisse lui faire abandonner la vérité et la justice, est un acte de la force, car, dans ce combat particulier contre la persécution, se trouvent tous les dangers de mort que l'on rencontre dans la guerre. De là ce que rapporte Saint Cyprien dans un de ses sermons, la foule, qui était présente, contemplait avec admiration ce céleste combat, où les serviteurs du Christ paraissaient avec une voix libre, une âme ferme, une vertu divine. De là encore ce que chante l'Église au sujet des martyrs, ils se sont montrés forts dans la guerre qu'on leur a suscitée. Note. Le martyr a pour cause la charité qui le commande, et pour but le soutien de la foi de Jésus-Christ, il appartient à la force, comme acte produit immédiatement par elle. Si la patience des martyrs est surtout louée par les docteurs de l'Église, c'est que, dans le martyr, elle vient en aide à la force, dont l'acte principal est de souffrir. Fin de la note. 3. Le martyr est-il un acte de la plus haute perfection? Du côté de la force même, le martyr n'est pas le plus parfait de tous les actes vertueux. Souffrir la mort n'est pas de soi une chose digne d'éloge, cette action n'est louable que par le bien qu'on s'y propose, et qui consiste dans un acte de foi ou de charité, acte meilleur que le sacrifice de la vie, puisqu'il est sa fin. Mais, envisagé dans le motif qui le détermine, c'est-à-dire dans la charité, le martyr est un acte de la plus haute perfection. En effet, notre amour pour Dieu est d'autant plus manifeste que nous lui sacrifions des choses plus aimées et que nous nous résignons à de plus grandes souffrances. Or il n'est rien ici-bas que l'homme préfère à sa propre vie, ni qu'il abhorre plus que la mort, et surtout la mort accompagnée de cruelles tortures. Par conséquent, le martyr, signe de la plus parfaite charité, est le plus parfait de tous les actes humains. Nul, dit saint Jean, 15-13, ne saurait témoigner une charité plus grande qu'en donnant sa vie pour ses amis. 4. La mort est-elle essentielle au martyr? Martyr signifie témoin de la foi chrétienne, qui nous apprend à mépriser les biens visibles pour les biens spirituels. Souffrir le martyr, c'est rendre témoignage à sa foi, en montrant par action son mépris des choses présentes et son amour pour les biens invisibles de l'autre monde. L'homme qui vit encore n'a pas prouvé d'une manière efficace qu'il renonce absolument à tout ce qui est corporel. On a coutume de se résigner à la perte de ses parents, de ses biens, et même aux souffrances du corps les plus cruelles, pour conserver sa vie. L'homme, disait Satan en parlant de Job, donne tout ce qu'il possède pour sauver sa vie. Job 2, 4. Dans ses principes, le martyr réel et complet n'existe pas sans la mort soufferte pour Jésus-Christ. Note. On n'est pas proprement martyr pour avoir supporté la prison, l'exil, la perte de ses biens, à moins que la mort n'en soit résultée, comme l'histoire le rapporte du pape Saint Marcel, qui mourut dans sa prison par suite de ses blessures. Les expressions des pères d'où l'on voudrait conclure qu'il peut y avoir martyr sans qu'on souffre la mort, sont dites par analogie. Cependant, il est des actions qui, pour n'être pas un vrai martyr devant les hommes, suffisent, aux yeux de Dieu, pour en mériter la récompense. Le martyr consiste à subir volontairement la mort plutôt que de trahir sa foi. Un tel acte est méritoire à partir du premier moment où les tribulations commencent. On appelle confesseur ceux qui ont souffert pour la foi, et martyr ceux qui sont morts pour elle. Fin de la note. 5. Ne peut-on souffrir le martyr que pour la foi seule? De la béatitude, heureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, Matthieu 5, 10, il résulte que l'on peut être martyr pour la justice, qui comprend avec la foi toutes les autres vertus. Les martyrs rendent témoignage aux vérités que le Christ nous a révélées, et c'est de là qu'on les appelle ces martyrs, comme qui dirait ces témoins. On rend témoignage aux vérités de la foi, non seulement en les croyant de cœur, mais encore en les confessant par ses paroles et par ses actes, suivant ce mot, « Je vous montrerai ma foi par mes œuvres », Jacques 2, 18. Les œuvres de toutes les vertus sont une profession des vérités de la foi, qui nous apprend que Dieu exige ses œuvres de nous, et que nous serons récompensés pour les avoir accomplies. Par conséquent, toutes les vertus peuvent être la cause du martyr. Saint Jean-Baptiste est compté, dans l'Église, au nombre des martyrs, parce qu'il a souffert la mort pour soutenir les droits de la fidélité conjugale. Note. Souffrir, par amour de Jésus-Christ, pour accomplir une bonne œuvre ou pour éviter un péché, refuser de mentir, parce que le mensonge est opposé à la loi divine, sont des actes qui, rentrant dans la profession de la foi, peuvent donner lieu à la gloire du martyr. Le bien humain lui-même, rapporté à Dieu, peut devenir divin, et, comme tel, en être une cause. markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.